Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des féminismes, portrait de quelques pionnières. Le féminisme, ou plutôt les féminismes, connaissent ces dernières années une forme de renouveau, en particulier depuis l'avènement du mouvement MeToo. Combat contre les violences faites aux femmes, combat pour l'égalité des droits en général, sont revenus sur le devant de la scène. Combat qui s'inscrivent dans une longue histoire, parce que cette histoire est riche, foisonnante, parce qu'elle permet aussi d'éclairer les luttes présentes et parce que les archives de France Culture permettent de l'explorer largement, nous avons eu envie de lui consacrer non pas une, mais deux nuits d'archives radiophoniques. La semaine prochaine, gros plan sur le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui a fêté l'an dernier son 50e anniversaire. Nous nous mettrons samedi prochain à l'écoute de femmes qui ont pris part à ce mouvement et ont raconté à l'antenne de France Culture son originalité et son énergie propre. Mais cette nuit, pour commencer, nous allons remonter un peu plus loin dans le temps pour nous intéresser à toutes ces pionnières qui, en France, depuis plus de deux siècles, ont œuvré et agi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelques pionnières longtemps restées dans l'ombre, oubliées des manuels d'histoire, mais dont certaines sont heureusement redécouvertes depuis quelques années. Cette nuit, nous voyagerons donc dans le temps en suivant un fil à peu près, mais pas tout à fait, chronologique. Nous commencerons par nous intéresser à la place des femmes dans l'histoire de la Révolution française, à l'écoute d'une discussion animée par Emmanuel Laurentin et Séverine Liata dans la Fabrique de l'Histoire en 2013. Puis on écoutera une conférence que Xavier Gauthier avait consacrée à Louise Michel, retransmise dans l'émission L'Éloge du Savoir en 2012. Ensuite, un documentaire consacré à Madeleine Pelletier, une figure singulière des féministes de la Belle Époque, dont Céline Duchesnay avait retracé le parcours pour l'émission Une vie, une œuvre en 2017. Puis, dans la seconde partie de la nuit, nous entendrons Djamila Debbèche, une personnalité un peu oubliée de l'histoire algérienne qui fut écrivaine, femme de radio, et œuvra en Algérie à la promotion des femmes. Elle avait été reçue par Tao Samrouche en 1962. Puis trois volets d'une série de Chemins de la connaissance consacrée en 1994 à quatre figures emblématiques des combats menés par les femmes pour la défense de leurs droits au XIXe siècle. J'ai nommé Flora Tristan, Jeanne de Rouen, Désirée Gay et Eugénie Niboyet. Un peu plus tard, dans la première moitié du XXe siècle, une certaine Louise Weiss reprenait le flambeau, en particulier en ce qui concerne la lutte pour le droit de vote des femmes. Nous l'entendrons dans un montage d'entretien datant de 1981. Et enfin, pour clore, cette nuit, on écoutera Simone de Beauvoir, venue présenter sur la chaîne nationale Le Deuxième Sexe, juste après sa parution, en 1949. Mais pour ouvrir cette nuit et nous guider un peu dans la compréhension de cette longue histoire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Florence Rochefort. Bonsoir à vous, Florence Rochefort. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Florence Rochefort, vous êtes historienne, chercheuse au CNRS. Vous avez publié nombre d'ouvrages sur l'histoire des féminismes, en particulier sous la Troisième République. Et vous êtes, avec Michel Zancarini-Fournel et Bibia Pavard, l'une des trois co-auteurs d'une très belle histoire des féminismes de 1789 à nos jours, parue il y a quelques mois aux éditions de La Découverte, et dont le titre est « Ne nous libérez pas, on s'en charge », slogan qui a traversé les siècles, comme vous le rappelez dans l'introduction de cet ouvrage, qui renvoie à la fois à l'imaginaire des tricoteuses de la Révolution française, des pétroleuses de la Commune, ou à celui des militantes des années 70, et qui, à lui seul, rappelle donc la longue histoire de ces combats. Pour commencer, peut-être vous pouvez nous dire d'abord comment est né le projet de cet ouvrage, pourquoi avoir ressenti le besoin, avec vos co-auteurs, de retracer cette longue histoire des féminismes en France. Alors c'est à la suite d'un séminaire commun, donc c'est dans une démarche pédagogique que nous avons eu envie de faire la synthèse de connaissances, mais aussi de faire œuvre de recherche en prenant des perspectives un peu différentes de ce qui existait jusqu'alors, y compris dans nos propres travaux. Et c'est aussi dans l'interaction avec une génération d'étudiantes et d'étudiants qui avaient plus d'exigences, notamment sur l'intersectionnalité, sur des questions du présent. Et c'est une démarche qu'on appelle socio-historique, c'est-à-dire que nous partions de l'interpellation des questions d'aujourd'hui pour repartir dans le passé. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va plaquer les notions d'aujourd'hui sur hier, mais qu'on va questionner l'histoire avec cette sensibilité nouvelle, notamment avec cette articulation entre les questions de genre, les questions de race, les questions de classe, qui sont des questions qui ont déjà été posée par les féministes elles-mêmes, notamment dans les années 70. Mais là, il s'agit bien d'une question historique, c'est-à-dire comment, à des moments particuliers d'émergence de la question féministe, s'articule émancipation des femmes et émancipation des esclaves, émancipation des prolétaires. Oui, on reviendra sur cette approche spécifique autour des questions de genre et de race, qui est en effet l'une des originalités de cet ouvrage. Avant cela, on a repris le pluriel que vous utilisez pour le titre de cet ouvrage, « Histoire des féminismes », qui insiste sur le fait que les positions sont diverses, parfois même antagonistes au sein de cette longue histoire. Il n'y a pas quelque chose comme le féminisme qui serait une position unifiée, mais tout de même, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient le terme même de féminisme, qu'est-ce qu'il recouvre exactement, quand est-ce qu'il est apparu ? Alors, il est apparu dans le vocabulaire médical et il désignait des hommes qui étaient anormalement efféminés. Donc c'est un mot, un qualificatif qui décrit, et c'est d'ailleurs très intéressant par rapport au genre et aux questions de genre d'aujourd'hui. Et Alexandre Dumas-Fils, qui était un écrivain pas forcément très très talentueux, mais très célèbre pour sa plume polémique, qui prend parti pour les antiféministes, donc contre les féministes, et qui prend ce terme en disant ces féministes, comme on dirait ces femmelettes, pour désigner des hommes qui avaient pris parti pour les droits des femmes. À l'époque, on parle de mouvement pour les droits des femmes ou pour l'égalité des sexes. Et Hubertine Auclert, qui est une militante très originale et une journaliste avec une plume acérée, une polémiste de talent, va reprendre le mot. On appelle ça dans le jargon sociologique le renversement du stigmate, c'est-à-dire on prend le mot de l'adversaire mais pour se l'emparer et lui donner une connotation positive. Et Hubertine Auclert va prendre ce mot pour désigner le combat des partisanes et des partisans de l'égalité des sexes. Et alors elle va avoir en une dizaine d'années un succès fou. Donc Alexandre Dumas utilise ce mot dépréciatif en 1872, elle le reprend 10 ans après. Et dans les années 1890-1900, ce mot est repris vraiment comme un mot à la mode, y compris en étant un peu quelquefois vidé de sa substance dans des rubriques féministes qui apparaissent dans tous les journaux et qui parfois ne sont que des rubriques féminines, en fait, de conditions féminines. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot va être adopté et traduit dans, pratiquement maintenant dans toutes les langues. Ça va mettre du temps, mais petit à petit, ce mot se répand dans toutes les langues. Il garde encore aujourd'hui une charge assez subversive dans la façon dont on l'utilise. Donc le ferment commun, ce serait le dénominateur commun, je veux dire, de toutes ces figures que vous décrivez dans le livre à différentes époques. Ce serait ça, le combat pour l'égalité entre les sexes. Oui, c'est le combat pour l'égalité. Il ne faut pas oublier le mot de liberté aussi, parce que c'est fondamental. Le mot d'émancipation, parce que si on ne parle que d'égalité, on a l'impression que ces féministes se battaient que pour des droits. Or, en fait, elles se battent aussi pour une émancipation, on pourrait dire personnelle, individuelle, presque, on dirait, psychologique, pour s'émanciper des contraintes de la féminité. Et dès la Révolution française, on a cette réflexion autour de la galanterie, de la coquetterie, de la frivolité qui enfermerait les femmes dans une position de séduction et qui les priverait d'une revendication d'égalité dans l'éducation, dans le travail, dans l'épanouissement personnel. Donc c'est les mots-clés d'égalité, de liberté, d'émancipation, puis libération pour les périodes plus récentes. Et on voit que ce vocabulaire, il est très lié à d'autres mouvements. On parle aussi d'affranchissement, comme on parlait d'affranchissement des esclaves, mais là, c'est davantage le maître qui affranchit l'esclave. On parle d'émancipation au moment où on est dans l'utopie de l'émancipation du prolétariat, dans les utopies égalitaires, socialistes. Et puis, on va parler de libération quand on est davantage près de la libération des peuples colonisés. Cette histoire des féministes, vous la faites justement commencer en 1789, à la Révolution française. On a d'ailleurs nous aussi commencé là. Hein. Cette nuit commencera par une émission sur la place des femmes dans la Révolution française. Pourquoi commencer là? Pourquoi pas plus tôt? Est-ce que ça n'aurait pas de sens de parler de féminisme avant? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord c'est nos propres compétences hein, quand on est dans l'histoire contemporaine et l'histoire des 19e et 20e siècles, ce serait plus délicat de commencer avant. Ensuite on avait énormément de choses à dire et on voulait prendre toute la place pour développer là où nous étions quand même les plus compétentes puisque nous avons voulu aller jusqu'à nos jours. Et par ailleurs, c'était une cohérence aussi parce que notre propos était de replacer vraiment l'histoire du féminisme dans l'histoire politique. Donc l'histoire politique, cette matrice de la Révolution française, on n'y échappe pas. C'est le moment où est vraiment reformulée la querelle des femmes et la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une question très ancienne, hein, que posait déjà Christine de Pizan en 1405. Donc c'est pas une question nouvelle, mais elle est reformulée avec le cadre de pensée de la Révolution française, les droits de l'homme, la liberté individuelle. On sort ou on essaye de sortir de cette société d'ordre, on renverse cette société aristocratique, on est dans une révolution de la bourgeoisie. Donc c'est vraiment les cadres de tout ce qui va forger les féminismes des 19e et 20e siècles. Donc ça avait vraiment un sens. C'est un moment originel très très important et très fort, même s'il est tout à fait valable de pouvoir aller chercher dans les périodes plus anciennes et dans l'Ancien Régime des traces de cette intense querelle autour de l'égalité. Les découpages que vous avez choisis, les grandes parties qui définissent les parties du livre, envoient en effet à cette histoire politique française. Hein. Il y a une première partie de 1789 à 1871, donc de la Révolution française à la naissance de la Troisième République. Deuxième partie de 1871 à 1944, donc jusqu'à la libération. De 1944 à l'élection de François Mitterrand ensuite, et puis de l'élection de François Mitterrand 1981 à nos jours. C'est aussi une manière de souligner l'importance de cette histoire politique. On peut lire ce livre aussi, non pas seulement par intérêt pour l'histoire des féminismes, mais aussi comme une manière de relire l'histoire politique française depuis la Révolution à l'aune de cette question-là. Oui, ça, c'est tout à fait cette double dimension, c'est-à-dire replacer l'histoire des féminismes dans des contextes extrêmement précis. C'est ce que nous avons voulu faire, donc montrer ces liens avec le contexte politique, social, culturel et les différents concepts d'émancipation, mais toujours les remettre dans une époque précise, parce que souvent, dans les débats autour des féminismes d'aujourd'hui, il y a une sorte de ahistoricité ou un mélange d'époques et c'est tout à fait normal puisque le propos n'est pas forcément de produire de la connaissance historique. Donc nous avons voulu, et c'était aussi par rapport à ce que nous avons constaté du public qui nous écoutait et qui nous posait des questions, c'était de vraiment remettre dans une époque, dans les mots d'une époque, dans les concepts, dans les questionnements, parce qu'effectivement les mots changent de sens. C'est toujours le mot d'égalité, mais il n'a pas du tout le même sens sous la Révolution française qu'aujourd'hui. La liberté ne renvoie pas, la liberté de mouvement renvoie pas forcément la liberté sexuelle. Donc c'est pour éviter les anachronismes et remettre vraiment en valeur ce S en fonction des contextes. Ça a été vraiment un leitmotiv extrêmement important dans notre démarche, qui est sans doute une démarche pédagogique, mais qui était aussi une démarche de chercheuse pour essayer de revenir, si vous voulez, à des articulations qui ne soient pas artificielles, anachroniques, qui évitent des analogies abusives. Donc c'était ce double objectif que nous avons voulu suivre en prenant ce découpage. Je pense aussi que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu, une sorte de synthèse, hein, à la fois accessible et puis avec beaucoup de qualité scientifique. Enfin, c'est ce qu'on a souhaité en tout cas. L'une des originalités de votre approche dans cet ouvrage, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est de réinterroger donc cette longue histoire à la lumière de problématiques historiques spécifiques et en particulier les liens entre féminisme, genre et politique. Vous expliquez dans l'introduction que vous avez été nourri par l'apport de l'histoire du genre et des sexualités qui permet, écrivez-vous, de souligner l'importance dans l'histoire des féminismes, des transgressions de genre et ce non seulement à travers des positions théoriques mais à partir des expériences de vie et d'engagement des militantes et des militants. Par exemple, dites-vous encore, je vous cite, « On aurait tort de croire que les féministes du 19e siècle ne s'intéressaient qu'au droit, la critique des normes de genre et des préjugés misogynes est tout aussi centrale que la revendication de l'égalité juridique. Considérer le genre comme une construction sociale, culturelle et politique traverse les discours et théories féministes. » Cette dimension est très intéressante parce que ça va un peu contre une idée reçue au sujet de l'histoire des féminismes, selon laquelle la critique des normes associées au genre vis-à-vis de ce que, à partir des années 70, on a appelé, disons vite, le système hétéro-patriarcal, daterait justement de ce féminisme des années 70. Dans votre ouvrage, et j'espère on l'entendra aussi dans plusieurs émissions cette nuit, vous montrez à quel point cette critique-là, elle existe bien avant la fin du XXe siècle. Alors, peut-être pas la critique de l'hétérosexualité, peut-être là, c'est une des limites, effectivement, c'est l'apport d'une pensée beaucoup plus moderne et contemporaine. Mais en revanche, ce qu'on peut trouver comme fil conducteur, c'est qu'effectivement, les normes de genre, déjà, de revendiquer des droits, de s'interroger sur l'inégalité. Il faut comprendre ces mouvements féministes, déjà, comme des mouvements de révolte contre l'injustice et tous les méfaits de tous les empêchements sur la vie très très concrète, sur le fait qu'on n'ait pas accès à la culture, pas accès à l'éducation, pas accès à l'écriture, ou si on écrit, on n'arrive pas à être publié. Et puis, c'est une réponse à la misogynie. Et la misogynie est extrêmement répandue, c'est le sens commun. La nature aurait voulu que les femmes soient ainsi faibles, incapables et soumises aux hommes. C'est par ailleurs les lois du mariage qui font que les femmes mariées ont peu d'accès à la maîtrise de leurs biens, sauf exception, de contrats qui étaient très rarement rédigés. Elles sont soumises à des préjugés sexuels où elles sont victimes de la séduction et c'est elles qui portent le poids des grossesses non désirées ou des filles mères qui sont refusées ou qui sont stigmatisées comme des filles de rien, avec le poids de la religion, c'est-à-dire c'est le poids des préjugés. C'est des préjugés populaires, c'est des préjugés bourgeois, c'est des préjugés aristocratiques, c'est des préjugés religieux. Donc tout ce mélange, si vous voulez, de critique des préjugés, c'est le genre est absolument au cœur de ce. Alors il n'est pas formulé de cette façon-là, mais leur propos. Le propos des féministes, ça va être de montrer que toutes ces idées reçues sont fausses et que la réalité des femmes, elle est tout autre, qu'elles sont absolument capables. Alors on va chercher des femmes exemplaires dans le passé ou même dans les légendes. Et donc il faut montrer la capacité des femmes pour que les femmes elles-mêmes soient persuadées de cette capacité. C'est-à-dire qu'il y a un double objectif. C'est une démonstration théorique et c'est aussi un outil militant pour que les femmes se rebellent. Et pour qu'elles se rebellent, il faut qu'elles prennent confiance en elles et qu'il faut qu'elles aillent contre cette idée de cette soumission, de cette modestie et de cette séduction perpétuelle qui les ferait modestes, discrètes et ne revendiquant sûrement pas d'être des femmes savantes comme la moquait Molière. Donc c'est vraiment contre la culture misogyne, on dirait aujourd'hui patriarcale, que ces féministes s'insurgent. Et c'est tout un volet absolument passionnant de l'histoire de ces féminismes qu'il ne faudrait sûrement pas réduire, même si c'est fondamental aussi, à une lutte purement d'égalité légale. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une sorte de dépréciation, d'ailleurs à tort souvent, de l'outil du droit. Par rapport à l'outil culturel, on va dire, de subversion culturelle. Et du coup, ça donne une image très, très caricaturale du passé, contre laquelle on a voulu aller. Et par exemple, comme nous écrivions aussi pendant l'ère MeToo et que nous sommes aussi engagés dans cette sensibilité-là, eh bien, on a retrouvé des textes sur la violence subie par les femmes que peut-être nous n'avions pas vues de la même façon. Et qu'on a voulu mettre dans des encadrés où on voit bien que le panel, le spectre de la critique féministe est absolument large, que finalement même la question du viol, des violences, de l'abus sexuel est très présente. Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre sans racine. Et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signorée, ou la grande Bulliolidée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandrea Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne, mais en psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judica. Juliette, qui dans cette chanson rime féminine, s'imagine devoir choisir entre diverses femmes illustres, admirées, celles en qui elle pourrait se réincarner, plusieurs figures de subversion culturelle dont vous parliez tout à l'heure, Florence Rochefort. Parmi toutes ces femmes, elle cite des femmes connues, d'autres moins connues, parmi elles Flora Tristan, l'auteur des Pérégrinations d'une paria, son autobiographie parue en 1838, qui est aussi, Flora Tristan, une figure de l'histoire du mouvement ouvrier. Il sera question d'elle dans la deuxième partie de cette nuit, au cours de la série d'émissions des Chemins de la Connaissance que Geneviève Ladouès lui avait consacrée en 1994 à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition. Émission qui retrace son parcours, mais aussi celui de plusieurs autres figures féministes du 19e siècle, parmi desquelles Jeanne de Rouen, Eugénie Niboyet, Désiré Gay. Ce sont des personnalités assez peu connues du grand public. Qu'est-ce qui caractérise le féminisme de ces femmes du 19e siècle, Florence Rochefort? Vous leur consacrez plusieurs pages dans votre histoire des féminismes. Ce premier 19e siècle est vraiment marqué par les utopies socialistes, par les utopies saint-simoniennes, qui, après finalement la déception de l'échec politique de la Révolution française, selon leur analyse, et notamment la Terreur, pensaient qu'on pouvait réorganiser une société sans classe, mais avec l'union des classes, et que le progrès industriel allait pouvoir être redistribué les profits du progrès industriel allaient pouvoir être distribués et qu'on éliminerait la pauvreté, et que le lien social serait un lien religieux, mais au sens très très large, et qu'il donc pouvait on pouvait aussi fonder l'égalité des sexes. Le problème, et c'est là qu'on revient à ce titre du livre, Ne nous libérez pas, on s'en charge, c'est que dans cette utopie-là, dans cette nouvelle église saint-simonienne où les femmes sont théoriquement intégrées et à côté d'un père, d'un dieu père, il y aurait un dieu mère, ce qui évidemment faisait rêver beaucoup de féministes de l'époque, parce que tout était très religieuse à leur façon, ou imprégnée de ce mysticisme chrétien. Eh bien, elles constatent que finalement, elles n'ont pas leur place. Et donc, elles vont prendre réellement leur émancipation en main, et c'est ce qui va les caractériser, c'est cette volonté d'autonomie, cette volonté de prise de parole. Elles fondent leur propre journal, et elles vont s'exprimer, souvent avec leur prénom, mais elles vont dire « je », et elles vont parler de leur vie aussi, de leur vie privée, de leur vie intime, parce que dans cette... particulière religion saint-simonienne autour d'enfantin a été théorisée l'émancipation par la sexualité, par l'amour libre et le fait que on pourrait avoir plusieurs une sorte de polygamie, et que donc quelques-unes se sont laissées tenter, soit dans l'idéal, soit concrètement se sont engagées dans ce type d'expérience, et elles vont être très sensibles au privé. C'est pas encore le slogan le privé est politique, mais c'est déjà une réflexion qui relève de ça, c'est-à-dire si on veut changer la société et créer une société égalitaire et de liberté, et si on veut affranchir le prolétariat, il faut déjà affranchir les femmes, et il faut déjà qu'elles puissent parler de leur vécu, de leur de la façon dont elles ont été ou séduites ou elles-mêmes ont des désirs, et c'est très original la façon dont elles abordent cette question, bien qu'elles ne soient pas toutes d'accord. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est que cette prise de parole collective, c'est un nous femmes, mais c'est un nous femmes qui peut dire aussi je et dire eh bien moi non, je ne me lancerai pas dans cette expérience de liberté sexuelle parce que je pense que les temps sont trop difficiles, que nous allons en payer le prix beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, les quelques-unes qui s'y sont laissées prendre, on va dire, finalement l'ont payé assez cher, même si leur témoignage est absolument passionnant pour aujourd'hui, et a beaucoup fasciné les féministes des années 1970, qui ont redécouvert ces saint-simoniennes avec fascination, parce que d'abord parce qu'elles s'expriment, et c'est rare qu'on ait accès à l'expression intime du vécu de ces femmes de 1830 qui racontent leur volonté d'émancipation politique, qui ont une vraie critique du travail, de l'éducation, qui ont des projets de rénovation de la société tout à fait passionnants, et qui en même temps veulent rénover les rapports sociaux de sexe, les rapports de genre, les rapports homme-femme, jusque dans le rapport amoureux. Donc ça, c'est évidemment très très original. Alors Jeanne d'Herouin, par exemple, qui sera plutôt une grande activiste de 1848, elle est plus prudente dans 1830, elle adhère au saint-simonisme, mais elle dit tout de suite « Oh là là, enfantin, c'est un pape dont elle se méfie. » Et elle a raison, parce que c'est un personnage, pour le coup, également assez misogyne. Disons, en tout cas, très manipulateur. Je pense que c'est comme un gourou d'une secte, et qui, en fait, pousse aussi les femmes à convertir de nouveaux adeptes à partir de leur séduction. Donc, c'est quelqu'un qui manipule absolument, d'ailleurs, hommes et femmes, avec un pouvoir de séduction, un charisme, puisqu'on est dans un monde, de secte religieuse. C'est tout à fait... Mais en même temps, il leur ouvre une porte dont elles vont être à la fois victimes, mais à la fois dont elles vont porter aussi cette parole pour leur propre émancipation. Et donc celles qui disent on prend trop de risques, elles disent quand même repoussons cela pour l'utopie de l'avenir. Donc c'est aussi intéressant parce qu'elles imaginent la liberté vraiment jusque dans le choix amoureux. Donc il y avait, comme on est au début du 19e, il y avait toujours cette histoire des mariages arrangés ou du fait que le divorce était interdit. Donc c'était aussi elles se battent aussi contre un carcan légal et tous ces préjugés autour de la sexualité et de la femme, de la fille mère, dont elles prennent vraiment la défense. Mais elles rêvent de rapports où le désir des femmes pourrait être exprimé. Et elles disent, il y a celles qui, et là elles reprennent bien la théorie d'Enfantin, il y a celles qui auront des désirs pour plusieurs hommes, et puis il y a celles qui auront des désirs pour un seul homme. Et ça, c'est quand même, c'est d'une originalité tout à fait étonnante. Et c'est parce qu'on est dans une rupture complète, dans un monde d'utopie, que cette pensée est possible. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous nous ayez dit un mot d'une autre dimension fondamentale de votre approche dans cette histoire des féminismes. Vous l'avez mentionné en passant tout à l'heure, c'est la question de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est un terme un peu technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit? Pourquoi vous avez choisi de mettre en avant cette approche dans le livre qui nous permet de découvrir nombre de figures très peu connue, et que vous nous disiez un mot de Djamila Debbèche, cette femme qu'on va entendre tout à l'heure dans la deuxième partie de la nuit et que j'ai découvert grâce à vous. On a été heureux de trouver dans les archives de l'INA une émission datant de 1962 dans laquelle on l'entend. Alors oui, l'intersectionnalité, c'est une proposition de cette juriste américaine Crimshaw qui voulait défendre des femmes noires pauvres qui est montré que leur défense ou leur oppression était vécue comme quelque chose de syncrétique. Elles ne sont pas d'un côté femme, d'un côté noire, d'un côté pauvre. Et c'est d'où ce terme d'intersectionnalité, qui a été un terme juridique important. Et là, nous l'avons, et c'est un terme maintenant politique important, pour des combats qui veulent justement entrelacer, entremêler des luttes à la fois anticapitalistes, féministes, contre le sexisme et contre le racisme. En essayant de montrer que, à partir de situations minoritaires, de femmes racisées, on ne pouvait pas diviser ces différents types d'oppression et qu'elles étaient complètement mêlées. Donc à partir de cette proposition politique et de ces mouvements aujourd'hui en France afroféministes par exemple, ou black féministes qui existent depuis les années 70 aux États-Unis, eh bien on a repris l'idée d'essayer de chercher comment s'entremêlent dans les discours mais aussi dans des personnalités cette question entre oppression de sexe, oppression de genre, oppression de race, oppression de classe. Donc on a un peu revisité les liens entre féminisme et socialisme, lutte de classe, lutte de sexe. On a revisité ce lien assez fondamental entre affranchissement des Noirs, affranchissement de l'esclavage et affranchissement des femmes, affranchissement du prolétariat, affranchissement des femmes. Et puis on a voulu mettre en avant des figures nouvelles. C'est aussi une demande de ces mouvements qui semblent complètement légitimes. Et là, reconnaissons que c'est grâce aussi à nos collègues qui ont produit des travaux, notamment nos collègues aux Antilles qui ont produit des travaux, ou nos collègues sur l'Algérie, par exemple, coloniale, qui nous ont permis de découvrir des figures que nous-mêmes ne connaissions pas ou connaissions mal, et que nous voulions absolument un récit de l'histoire des féminismes qui soit plus inclusif, qui donne leur place. Et je pense que c'est le début d'une réécriture de l'histoire qui sera de plus en plus inclusive au fur et à mesure que les travaux vont nous permettre d'aller plus loin. Donc il y a par exemple les sœurs Nardal, dans ce Paris noir des années 30, qui sont finalement les pionnières d'une pensée de la négritude, mais qui pensent aussi leurs conditions de femmes de couleur par rapport aux hommes de couleur. Donc il y a une sorte de conscience de race et conscience de genre. D'autres figures, dont celle dont vous parliez, Djamila Debbèche, en Algérie, qui fait partie de ces romancières qui ont marqué l'histoire, disons, d'une prise de conscience féministe dans l'Algérie coloniale. Elle étant d'une famille musulmane algéroise qui est émancipée, qui donc on va lui reprocher de ne pas être assez anticoloniale, mais à l'intérieur de ce cadre colonial, elle va notamment après la Deuxième Guerre mondiale, elle va lancer une revue L'Action consacrée aux problèmes des femmes. Elle va essayer d'encourager les musulmans à laisser les jeunes femmes être éduquées, avoir une profession, et elle va militer pour le vote des femmes algériennes, enfin donc encore voilà encore indigènes, hein, et qui et si vous voulez pour essayer de promouvoir les femmes algériennes à l'intérieur de ce cadre, et de pouvoir là aussi toujours l'importance de la parole des femmes, de leur vécu et de l'aspect biographique. Et donc elle va aussi écrire des romans qui seront beaucoup inspirés de son propre itinéraire. Et là aussi, on n'en a pas parlé, mais l'importance de l'écriture, il y a l'écriture journalistique, le témoignage, et puis il y a aussi la fiction. Et pendant toutes ces époques que nous avons étudiées, le roman est un lieu très important de critique du patriarcat ou du critique de l'hégémonie masculine à travers des conflits personnels, amoureux, professionnels, amicaux, qui mettent en scène finalement l'émancipation personnelle là il y a par exemple Leïla, jeune fille d'Algérie. Voilà, c'est à partir de ces figures comment le conflit des sexes prend des formes très personnelles de choix de vie, de choix d'identité, de comment on lutte contre une double pression coloniale, patriarcale, sans imaginer non plus que puisse avoir une révolution possible. Donc même dans des cadres ainsi fermés, une pensée de l'émancipation est possible. Elle est diverse, puisque d'autres vont au contraire prendre la lutte anticoloniale comme le moyen d'émancipation le plus important, notamment du côté communiste. Et puis d'autres, ça n'empêche pas, dans ce contexte-là, de penser l'émancipation des femmes musulmanes et de penser vraiment que les musulmans, la culture musulmane, y compris la culture religieuse, peut évoluer et peut être réformée. Oui, il faut. Donc c'est aussi très important de faire entendre cette voix aujourd'hui, parce que en fait, quand on met un S à féminisme, c'est qu'il est aussi à plusieurs échelles, dans plusieurs cadres de pensée, mais que finalement, voilà, à chaque fois, malgré tout, il fait jouer cette idée d'égalité, de liberté, d'émancipation. Il faut se reporter à votre ouvrage, Florence Rochefort, pour en savoir plus sur ces sujets-là, puisque on entendra Djamila Debbèche dans cette nuit, mais il y a bien d'autres figures à découvrir dans votre histoire des féminismes. Merci beaucoup. On se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette première nuit des féminismes en votre compagnie. Mais pour le moment, place à la première partie de ce programme d'archives. Dans un instant, un volet de la Fabrique de l'Histoire consacré au rôle des femmes pendant la Révolution française, puis une conférence de Xavier Gauthier sur Louise Michel, et enfin un portrait de Madeleine Pelletier. C'était pour l'émission Une vie, une œuvre en 2017. Après quoi, au mi-temps de cette nuit, nous accueillerons tout à l'heure les historiens Martial Poisson et Laure Godineau, qui ont participé à un ouvrage intitulé « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident », récemment paru au Seuil. Je précise par ailleurs à nos auditeurs qui ne pourraient veiller la nuit entière que toutes ces émissions sont bien sûr à retrouver sur le site de France Culture à la rubrique des nuits ou sur l'application Radio France, où vous pouvez les écouter de jour comme de nuit.